a inventé cette putain de scolarité? Mais qui a inventé cette putain de scolarité? Tu viens de fêter tes 3 étés et on te fout déjà à la discipline. Tu sors à peine des tétés que tu dois commencer l'échepine. À la maternelle, les profs ne sont pas encore que des cas. À l'école primaire, c'est là que commencent les dégâts. Mais qui a inventé cette putain de scolarité? Mais qui a inventé cette putain de scolarité? Mais qui a inventé cette putain de scolarité? Mais qui a inventé cette putain de scolarité? Quand je me suis fait renvoyer cause de grave indiscipline, j'ai conseillé à cet enculé de se remettre vite à la bibine. Quand j'ai vu sa tête de con, quand j'ai vu sa tête de prof, quand j'ai vu sa tête de fion, je me suis marré, j'ai vexé le bœuf. Mais qui a inventé cette putain de scolarité? Mais qui a inventé cette putain de scolarité? Qui a inventé cette putain de scolarité? Mais qui a inventé cette putain de scolarité? Le roi des cons de cette planète n'est pourtant pas un militaire, mais je pense qu'on devrait quand même le foutre au bagne, cet enculé de Charlemagne. Dans le crâne, je pense qu'il a une abeille en train de faire toutes ses ruches. Et moi je lui donne un conseil, s'il veut pas se faire crever, c'est de pas révéler sa véritable identité et de garder comme un fion son pauvre surnom à la con. Dans mon bahut, on a encore pété un distributeur. Péter un prof, c'est notre prochain but. Et cette idée, je la garde au cœur. On insulte les femmes de ménage. Insulter les profs, c'est déjà fait. On devrait tous les foutre en cage. Ce serait bien fait pour ces enfoirés. Mais qui a inventé cette putain de scolarité? Mais qui a inventé cette putain de scolarité? Qui a inventé cette putain de scolarité? Mais qui a inventé cette putain de scolarité? C'est pas en foutant des heures de colle qu'on va se calmer, vous respecter. Justement, bande de couilles molles, ça va s'empirer. S'empirer. S'empirer.